Wish City, le palais. Une maladie ? Ce sont des scientifiques, grands dirigeants, je pense. Enfin, je serais d'avis pour que nous prenions leurs recommandations avec... Mais la ferme, toi ! Je t'ai rien demandé ! Aide-moi à me lever. Là, vous me demandez quelque chose. Et alors, ça te pose un problème ? Continuez-vous, pendant que lui, là, m'aide à me lever. Je me sens fébrile d'un coup. Oui. Bien sûr, grand dirigeant. Bien sûr. Rien de bien grave pour le moment, grand dirigeant. Il ne faut pas nous affoler. Non, bien sûr, le professeur a raison. Merci, professeur. Les rats portent en eux le germe. Ils n'en sont pas réellement atteints, mais quiconque est mordu devient porteur de la maladie. Elle évolue, grandit, pour atteindre son stade final et là... Là, elle peut se propager par l'air, le toucher ou n'importe quoi d'autre. Une fois dans le corps de quelqu'un, le germe grandit pour finalement arriver à un stade où on ne peut plus l'arrêter. Et vous allez trouver ça drôle, mais... Tout le monde meurt dans les 2 semaines. Dans d'atroces souffrances, précisons-le. Oui, en effet, professeur, il est important de le préciser. Fort heureusement, tous les bifriches mordus par les rats sont morts. Oui, ça, finalement, c'est bien, professeur. Et alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, hein? Dites-moi, vous, qui êtes si scientifique que ça. Pas grand-chose, à part faire passer le mot dans l'armée. Si un soldat venait à être mordu sans décéder de sa blessure, il faudra le faire tuer. Ah bon? Si c'est que ça, très bien. Du moment que moi ou ma fille ne soyons pas mordus. De toute façon, personne jusqu'ici n'a été mordu et est resté en vie. Content que tu sois resté en vie, Reven. Moi, j'aime pas les hôpitaux, moi. Vous inquiétez pas, je sors cet après-midi. Tout ira bien. Quand on a su pour Rogue, Kenny, Finlar et les autres, ben on a été triste. Les rats ne leur ont laissé aucune chance. Mais moi, j'ai réussi à m'enfuir. C'est pas un rat qui va faire peur à un bâtisseur. Pas vrai, les gars? Ouais, sûr! Moi, j'aime pas les hôpitaux. Je sors bientôt de ce fichu hôpital et tout ira bien, les gars. Vous allez voir, tout va bien aller. Tout va très, très bien se passer maintenant que Rosencraft est de retour à Wish City. Galerie Est, le soir. Je terminais d'attacher le dernier bâton de dynamite sur le gravat qui bouchait l'entrée. Je suis descendu du tas de pierres en m'essuyant les mains pour rejoindre Mila et Booz qui patientaient près d'un tractopelle poussiéreux. T'en auras fait péter ça ? Je sais. Il ne nous restera que quelques jours avant que mon père ne s'en aperçoive et ordonne qu'on rebouche. Je me rends compte que finalement, là, je me mets à espérer que l'attaque des rats arrive bientôt. C'est le paradoxe de notre situation à tous les trois, Booz. On est pressés des deux côtés. Par les rats qui veulent attaquer Wish City et par nos propres compatriotes qui suivent aveuglément le grand dirigeant et s'imaginent que finalement, c'est jamais que des rongeurs. Ce ne sont pas que des rongeurs. Nous nous sommes tous retournés. Surgissant de l'obscurité pour se baigner dans le halo lumineux du grand trou, les persévères, ces ermites, un seul corps pour 3 têtes, nous regardaient en souriant. Les mêmes persévères qui avaient prétendu lors de notre première rencontre que nous étions, nous trois seuls, les Baefwish qui pouvaient se mesurer aux rats. Ça vous arrive jamais d'arriver tranquillement, là, sans surprendre les gens comme ça? Et puis, vu votre âge, vous avez dû faire mourir vos amis d'une crise cardiaque. Oh! Mais il nous arrive de sonner, vous savez. Ding dong! Vous voyez? Vous aviez raison. Oui, nous le savions. Nous voyons l'avenir. Vous trois seuls pourrez repousser les rats. Une grande aventure vous attend. Oh. Je croyais qu'elle avait déjà commencé, vu ce qui a pu se passer. Oh la maman, mon grand, tu sais pas encore ce qui t'attend. Vous êtes venu pour nous encourager ou nous décourager? Parce que là, j'ai un peu de mal à cerner, moi. Vous avez été la plus longue à vous décider, Mila, et finalement... C'est vous qui avez poussé Squeak à rester? Et Booz à vous aider. Bien, bien. Beaucoup de choses en suspens, il reste maintenant. Oui, beaucoup. Oh, j'ai le nez qui coule, mouche-moi! Non, pas le temps! On parle sérieusement, là! T'avais qu'à pas vouloir à tout prix dormir sans ton bonnet de nuit! Oui, on nous appelle... Qu'est-ce qu'on fait maintenant, nous? Deux creuseurs, une princesse, la noblesse et le commun. Moi, il continue à me faire peur! Vous attendez! Les rats ne seraient tardés! Nous vous souhaitons bonne chance. Nous vous suivrons de près. À la fin, nous serons là. Ne vous inquiétez pas, nous serons payés le prix pour sauver Wish City. Si c'est vrai ce que vous dites, alors mon père n'aurait jamais dû vous bannir. Ne serait-ce que pour nous avoir ouvert les yeux à nous. Nous vous remercions, Mila, du fond du cœur. Les galeries ne seraient pas aussi belles sans vous. Nous attendions ces mots depuis... si... long... temps. Les rats vont bientôt attaquer, alors. Mais quand? Dites-nous au moins quand. Bientôt. Nous devons partir, patienter. Patientez. Ils arriveront très bientôt. Une semaine? Oui, Manfred. Préviens-les tous. Et préviens-moi, Rem, également. Nous attaquerons dans une semaine. Je veux qu'ils soient tous aux premières loges. Que les femelles se regroupent près de la sortie. Nous prendrons leur minable ville d'assaut. Nous volerons leur technologie et ensuite, nous préparerons lentement notre long combat contre les hommes. Mais pourquoi les femelles doivent aller à l'ouest, Seigneur? Je veux que mes fils sentent les rayons du soleil se poser sur eux le jour de la victoire. Dans une semaine, notre petite fouine aura transmis la maladie à tous ses petits amis. Ils seront affaiblis. Nous n'aurons plus qu'à les cueillir à la porte de la mort. Ensuite, nous resterons encore quelque temps sous la terre pour comprendre et utiliser la technologie des gnomes du mieux possible. Ce n'est qu'une première étape, Manfred. Une première étape vers notre liberté totale. Notre domination. Ouais, ouais, trop bien! On va bouffer des gnomes et après on bouffera des souris! Et puis on bouffera des chiens, puis on bouffera des hommes et le sang aussi! Et puis tout! On va tout bouffer! Dans une semaine, jour pour jour, les rats se déverseront sur Wish City sans qu'ils aient à payer un copec. On leur rasera la ville gratuitement. N'oublie pas, Manfred, n'oublie jamais ça. Ratis. Ras gratis.